Company! Venga Lucas! Joseph et Maria.

France. À la fin, je vais pousser tout le monde. Aldo, tu peux avancer un peu. Frère, les chambres pleines là-bas. Ils nous reculent, ils nous reculent. Attention, attention. Attention la Madonna. Et vive Madonna. Et vive. Vive Notre-Dame de Lourdes! Vive! Vive Notre-Dame de la Majore! Et vive! Et vive la Madonna! Et vive! Patronne de la France. Ça va venir. D'abord la France. Et vive Notre-Dame de la Majore, patronne de l'Europe. Attention la voiture. Et vive Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception! Et vive! Patronne de toute l'humanité! Et vive! Et vive Joseph et Maria! Et vive! Ah oui, il sera Tu me l'as levé. C'est moi, je suis pas content. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto di tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega con noi peccatori. Adesso.